Jusqu'au 21 avril 2024, la Fondation Cartier pour l'art contemporain présente Le souffle de l'architecte, une exposition inédite de Bijoy Jain, fondateur du studio Mumbai et figure incontournable de la scène architecturale indienne. Dans cette création totale explorant les liens entre l'art, l'architecture et la matière, il déploie, en dialogue avec le bâtiment de Jean Nouvel, un espace de rêverie et de contemplation. Une expérience physique et émotionnelle à vivre à la Fondation Cartier. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Notre série de cette semaine s'intitule « Philosophie et psychanalyse ». Elle est constituée de 5 émissions déjà diffusées dans le cadre d'autres séries et réunies ici. Aujourd'hui, désir de fratricide et de sororicide. Les images d'Épinal de fratries unies et solidaires ne résistent souvent pas aux réalités. Alors bien sûr, il existe des fratries chanceuses, joyeuses, fusionnelles même parfois, ayant en tout cas dépassé les rivalités de l'enfance, s'il y en a eu. Mais dans ce troisième épisode, nous allons affronter précisément la question de ces rivalités et hostilités en osant même l'hypothèse d'un véritable désir de fratricide ou de sororicide présent, qui serait présent chez les enfants et susceptibles de perdurer à l'âge adulte. Bonjour Gérard Haddad. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et écrivain, j'ai presque envie de dire philosophe aussi. Vous développez depuis plusieurs années dans vos travaux cette idée d'un complexe de Caïn, du nom d'un personnage biblique qui a tué son frère Abel, nous y reviendrons. Complexe de Caïn qui exprimerait un désir inconscient de fratricide qui serait très fort, au moins dites-vous aussi important que le complexe d'Édipe repéré par Freud, complexe d'Édipe qui lui stimule un désir inconscient de parricide pour garder la mère à soi tout seul. Alors à ce stade, je me permets de préciser que je ne pourrais pas à chaque fois adjoindre aux mots masculins les mots féminins, mais quand on dira ici fratricide, on pensera aussi sororicide. Quant au complexe d'Édipe, aujourd'hui en psychanalyse, il concerne aussi les filles, leur attrait particulier pour leur père qui engagerait un désir inconscient de mettre à l'écart la mère, voire un désir de matricide. Bonjour Didier Houzel. Bonjour. Vous êtes avec nous aussi ce matin. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, professeur honoraire à l'université de Caen. Vous avez beaucoup publié, vous aussi. Je suis très curieuse de vous entendre réagir à ce complexe de Caïn que développe Gérard Haddad, au vu notamment de votre longue expérience clinique. J'ajoute que nous évoquerons aussi, mais un peu plus tard dans l'émission, les implications politiques que Gérard Haddad développe à partir de ce complexe de Caïn, puisqu'il considère que ce désir fratricide est le noyau de la destructivité humaine et notamment de la violence terroriste. And you know, today it's another anniversary. It's like, I know, anniversary's all over the shop, isn't it? Tu sais, aujourd'hui, c'est un autre anniversaire. Je sais, il y a des anniversaires de partout. Je me mets à pleurer là d'une minute à l'autre. Well, you know what, like I said before, it could be the worst places to split up. C'est quand on s'est séparés, oui, c'est ça. À Paris ? Ouais. Il y a des endroits bien pires pour se séparer. Ah, tu vois ce que je veux dire ? C'est un endroit charmant, Paris, pour se séparer, parce que c'est très romantique et mélancolique. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce gamin a manifestement été enlevé par un gros con 6 mois plus tôt, s'est transformé en gros con lui-même, puis a montré à tout le monde ce soir-là à quel point c'était un gros con. Et ensuite, il s'est cassé du groupe. J'espère donc que, où qu'il soit aujourd'hui, il est assis dans une pièce sombre, la tête entre les mains et qu'il a honte. With his head in his hands, in shame. When you are saying you had an argument because of fashion adverts. Votre frère dit que vous vous êtes disputé à cause de votre marque de vêtements, c'est vrai ? C'est pas vrai, mon gars. Si c'était vrai, il devrait avoir honte. Et si je voulais faire de la publicité pour ma marque dans le programme de la tournée, et alors quoi ? Quoi, c'est un putain de crime ? Mais c'était pas la raison. Parce que j'ai jamais prononcé le nom de ma marque devant lui. Je pense que la raison pour laquelle Oasis a splitté, c'est parce qu'il voulait le groupe pour lui tout seul. Parce que son petit ego ne pouvait pas supporter de partager la scène avec moi. Tu vois ce que je veux dire ? Il voulait qu'on fasse de la dance music ensemble. Alors bonne chance à lui en tout cas. So, like, good luck to him anyway. Vous venez d'entendre un extrait qui évoque la rupture entre les deux frères Gallagher qui avaient constitué le groupe de musique Oasis. Et là, il s'agissait d'une interview de l'un des frères, Liam Gallagher, qui évoquait son, avec les mots que vous avez entendus, son frère Noël. Interview réalisée par Brut en août 2019 et doublée magnifiquement, je trouve, par Brice Garcia et Riad Kera. Évidemment, on ne sait pas bien pourquoi ils se sont disputés. Ça a été très spectaculaire puisque c'était le soir d'un spectacle dans les coulisses. Des guitares ont été cassées et puis les dizaines de milliers de personnes qui attendaient le concert n'ont pas eu de concert. Ils se sont séparés spectaculairement. Cela dit, c'est quand même une dispute, disons, entre égaux. Ce n'est pas un fratricide et peut-être est-ce, somme toute, sur le fond, assez banal. De même, on pourrait évoquer des disputes assez banales, bénignes même, entre des sœurs, par exemple, dans cette scène de Fleabag, qui est une série, il s'agit de la saison 2, où la cadette a essayé pendant toute une soirée de faire la maline. Or, cette soirée était organisée par sa grande sœur, qui était censée quand même être la vedette. On écoute. Ah, tu es là. Oh, salut. Je te récré avec Finlande. Non, je triais des affaires. Je l'ai eu. Oh. Et Belinda m'a donné sa carte. Oh, c'est fantastique. Quoi? Rien du tout. Elle est furieuse. Tu es sûre? Oui, c'était une belle soirée. Tout s'est bien passé à la fin. Et tout le monde a aimé les canapés. Vraiment? Je suis cuite. Tu es sûre? Oui. Vraiment? Oui, la soirée a été géniale. Elle va exploser. Je sens qu'il y a quelque chose. J'aurais trouvé mes propres blagues toute seule si tu ne m'avais pas mis celle-là dans la tête. Oui, je sais trouver de très bonnes blagues. Je suis hyper drôle et je suis très intéressante. Je savais que j'aurais pas dû t'amener ici. Comment ça, intéressante? Tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux, dire tout ce que tu veux, voler tout ce que tu veux, embrasser qui tu veux? Il m'a embrassée. Oh, ça je sais, oui. Tu savais que... Alors pourquoi t'as passé parce tout que ton tu temps vas à... bien avec, t'iras toujours super bien. Toi, tu seras toujours intéressante avec ton café hyper branché et ta meilleure amie suicidée. Tu me donnes l'impression que j'ai tout raté. Claire... Et ne parle pas de la taille de mon bureau ou je vais me mettre à hurler. Je croyais qu'on pouvait se marrer ensemble. Comme des amis. Mais on n'est pas amis. On est des sœurs. Trouve-toi des amis. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes des sœurs, dit ce personnage dans la série Fleabag. Didier Houzel, attend-on autre chose de ses frères et de ses sœurs que de ses amis? Je pense que oui. Il me semble que ce qu'illustre les deux extraits là qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a un objet commun qui est idéalisé. Les frères du groupe Oasis, ils sont en pleine gloire et en plein succès. Oui. Et c'est à ce moment-là que ça craque. Mm. Et là, les sœurs, on a l'impression aussi que cette soirée magnifique, c'est l'objet commun qui n'est pas partageable. Oui. Alors, dans ma perspective analytique, je crois que ça renvoie à quelque chose de très primitif, très archaïque, qui est le premier objet investi, c'est-à-dire l'objet maternel, mais au sens large du terme, ce que Winnicott appelait la mère environnement, c'est-à-dire tout ce que le bébé vit et investit, et probablement ça renvoie même à la vie intra-utérine, où là, il était vraiment seul, sauf gémilité, bien entendu, à bénéficier de cet environnement merveilleux qu'il a perdu à la naissance. N'y aurait-il que les jumeaux qui soient capables, parce qu'ils ont vécu ensemble dans l'utérus, de se sentir d'emblée très liés, sans rivalité? C'est compliqué, parce que ça leur pose des problèmes aussi. Souvent, ils sont très très proches l'un de l'autre. Quelquefois, ils développent même une langue entre eux, que d'autres ne comprennent pas. Signe de complicité, quand même. Mais il y a un moment, surtout à l'adolescence, où ça leur pose des problèmes identitaires, où ils ont besoin de se séparer. Et malheureusement, quelquefois, ça se fait de manière conflictuelle pour conquérir leur identité. Et c'est un peu là-dessus, moi, que j'axerais la problématique de la fraternité et de la sororité. Qu'en pensez-vous, Gérard Haddad? Nos frères et sœurs ne sont pas des amis, il s'agit d'autre chose, toujours. Ce que je pense, c'est qu'au départ, après ça se métamorphose, ça prend des couleurs variées, diverses, ça se déplace, on le verra peut-être, mais au départ, il y a ce que Darwin déjà avait appelé le struggle for life. On ne veut pas de rival. L'idée d'un rival, c'est toujours un danger. Et donc, au départ, il y a une envie d'éliminer ce rival ou cette rivale. On trouve ça dans énormément de textes. Je pense en particulier à l'autobiographie de Goethe. Il y a cette scène initiale où le petit Goethe, ce futur grand génie, jette par la fenêtre les assiettes. Et Freud, qui analyse ce passage, le grand Freud, au lieu de dire « eh ben c'est ses parents qui l'ont jeté par la fenêtre », eh ben il dit non. Il parle pas de Oedipe à ce moment-là. Il dit « il jette par la fenêtre ses frères et sœurs ». Donc c'est quelque chose d'universel. C'est le grand refoulé. C'est le grand refoulé déjà de la psychanalyse. Vous savez, Lacan, à un moment donné, il disait « il y a la psychanalyse va mal, tout le monde le sait. » Et elle allait mal depuis longtemps. Et Lacan avait parlé d'un péché originel de la psychanalyse. Qu'est-ce qui ne va pas dans la psychanalyse? Eh bien, ce qui ne va pas dans la psychanalyse, c'est qu'on n'a jamais voulu affronter, Freud en particulier, bien qu'il l'ait fait dans quelques textes, on n'a jamais voulu affronter cette question de la rivalité fraternelle et sororale. Il y a des gens qui emploient maintenant le mot adelphité pour mettre ensemble un même mot pour les deux. Il y a un mot grec, d'origine grecque. Donc c'est ce grand refoulé qui nous explose à la figure. Et qu'on va analyser là, ce matin. Comment ? On va essayer de comprendre ce grand refoulé, et notamment la position de Freud. Mais avant, je voudrais quand même un peu d'expérience clinique là aussi. Est-ce que vous-même, Gérard Haddad, vous avez l'impression que c'est pas avec l'Oedipe, c'est-à-dire non, quand même... Non, l'Oedipe, moi, pour moi, actuellement. Que vous après, analysez plein de problèmes de patients. À partir d'une longue évolution, quand même. Oui. L'Oedipe n'est qu'une variante importantissime, et qui va donner des couleurs particulières, c'est une variante de ce que j'ai appelé, après d'autres, d'ailleurs, je ne suis pas le premier, le complexe de Caïn. L'Oedipe n'est qu'une variante du complexe de Caïn. Donc ils sont liés les deux. Donc il faut quand même définir maintenant le complexe de Caïn. Donc Caïn est quand même le fils d'Adam et Ève dans la Bible. C'est le premier homme. Eh oui. C'est le premier homme né par les voies naturelles, par les voies sexuelles. C'est le premier acte qu'un homme fait dans la Bible, et c'est la force de la Bible quand même, qu'on soit croyant ou pas, il y a dans ce texte extraordinaire qu'on appelle la Bible, une vérité que des psychanalystes comme Adler avaient repérée d'ailleurs. Et on nous dit, premier acte, premier homme, c'est de tuer son frère. Il tue Abel. Pourquoi ? Rappelez-nous pourquoi ? A priori, je crois que c'est pas très important. La raison, on peut en trouver une, il fallait bien en trouver une, on l'a dit, que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel, qui était un éleveur, à celui de Caïn, qui était un agriculteur. Donc il est moins reconnu par Dieu, on peut dire ça quand même ? Oui, on peut dire, oui, par le parent, quoi. La figure parentale. Il est moins reconnu. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que les enfants de Caïn, il y en a un qui crée la musique, les arts, il y en a un qui crée l'industrie, c'est-à-dire la technique, et un troisième qui crée la ville. On se demande à quoi servait une ville où il y avait quatre personnes. Si bien que si vous ajoutez ville, technique et art, vous avez la civilisation. Ce que nous enseigne la Bible, finalement, c'est qu'à l'origine, il y a du meurtre. Mais c'est pas le meurtre de Freud, du père, c'est le meurtre du frère. Et ça, la Bible, là-dessus, est extrêmement éloquente et va développer ça à toutes les couleurs, hein, à travers... Et c'est constructeur, ce n'est pas que destructeur, puisque vous venez de c'est le fondateur. Dire, c'est fondateur d'une civilisation. C'est fondateur, c'est problème ou enjeu qu'on retrouve aussi avec d'autres références, Romulus et Rémus, le meurtre de Rémus est l'acte fondateur de Rome, d'une civilisation. Dans les civilisations anciennes, on a comme ça un meurtre qui fonde une civilisation, un meurtre du frère. Qui fonde une civilisation. On trouve ça chez les Grecs aussi, chez les Atrides, enfin, dans toutes les mythologies, on a ça. On va y revenir, parce qu'il y a quand même des aspects. La civilisation va commencer à partir du moment où vous allez surmonter cette haine. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler comme ça de fratricide ou de désir de fratricide. Nous avons entendu des rivalités spectaculaires, des engueulades. Bon, il y en a dans toutes les familles. Mais est-ce que vous iriez, Didier Houzel, aussi loin dans votre approche thérapeutique ? Vous avez entendu des enfants pendant toute votre vie, des adolescents. Est-ce que vous iriez aussi loin que Gérard Haddad en disant qu'il y a au fond des choses quelque chose comme un désir de fratricide ou de sororicide ? Je suis d'accord avec Gérard Haddad sur l'idée que le fratricide et le refoulé de la psychanalyse. Et on sait un peu les racines de ce refoulement chez Freud, qui avait eu un petit frère, Julius, mort à 6 mois, alors que lui était tout petit, il avait 23 mois, je crois, quand il avait un an et demi. Mort. Oui. Et il raconte, Freud, brièvement, mais il raconte quand même que il avait une grande haine pour ce petit frère qui venait lui prendre l'amour maternel, oui. Et une grande culpabilité ensuite de sa mort. Quand il est mort. Ah, je vais juste préciser pour les auditeurs, on considère souvent que Freud a fait sa psychanalyse personnelle à travers sa relation épistolaire à Wilhelm Fliess, et dans la lettre du 3 octobre 1897, il exprime cette culpabilité à l'égard d'un frère mort. C'est comme si ça révélait que, au fond, cette mort, il l'avait voulu. Que ça la satisfaisait, en tout cas, quelque part. Et qu'ils s'en sont du coup alors, coupables. Alors, je donnerais quand même plus d'importance au fait que, dans la Bible, Caïn a l'impression, je ne pense pas que ça soit à prendre comme une réalité, mais plus comme un fantasme, que son sacrifice n'est pas reçu par la divinité, alors que celui d'Abel l'est. Donc c'est un problème de reconnaissance. Un problème de reconnaissance, un problème d'investissement. Il a l'impression que l'autre, le cadet, a pris tout. Il n'y a pas de nuance à ce stade de la rivalité fraternelle. Et ça, c'est intolérable, parce que c'est persécuteur. Et alors, je pensais à un exemple qu'on a très très couramment quand on fait des psychanalyses d'enfants. Il est très important d'avoir un matériel pour l'enfant. En général, dans une boîte, avec des jeux, avec de quoi dessiner, tout un petit matériel, simple, mais pour l'enfant. C'est-à-dire singulier pour lui. On change avec un autre enfant. Chaque enfant doit avoir son matériel à lui. Oui. Parce que dès l'instant qu'il y a un matériel extérieur, ou que son matériel est endommagé ou disparu, etc., il est pris d'une rage folle, il se sent persécuté, parce que il fantasme que c'est un autre enfant du thérapeute qui lui a fait ce mauvais coup. Et ça, c'est très, très, très fort comme situation analytique avec les enfants. Et il faut essayer de ne pas en faire une réalité, de le travailler dans le fantasme et dans le transfert, mais pas dans la réalité où d'autres enfants peuvent effectivement venir prendre les jouets ou les endommager. Alors, Caïn tuant Abel, c'est un aîné qui tue son frère cadet. Ce problème, c'est un peu celui, la configuration qu'évoque Freud à propos de son propre petit frère Julius. Oui. Il aurait eu des envies un peu fratricides qui expliqueraient sa culpabilité à sa mort. Mais Freud ne fait rien de ce... Attendez, on va venir, mais je voudrais d'abord qu'on explique comment vous dire qu'il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la Bible, mais aussi dans la tradition grecque, mais aussi chez Shakespeare, et on pourrait en aligner plein de références, il y a des cadets qui détestent leurs aînés, et parfois ça produit un fratricide. Donc, d'abord, parlons de Jacob, s'il vous plaît. Jacob et Ésaü. Oui. Vous êtes un grand spécialiste de la Bible. Je ne suis pas un grand spécialiste, j'ai une certaine familiarité avec la Bible. Oui, Jacob, ils sont jumeaux. Mais la Bible dit que Jacob est arrivé après lui. Et d'ailleurs, le nom Jacob est un peu péjoratif. Ça veut dire celui qui tient la cheville de l'autre. Oui. Et d'ailleurs, plus tard, un des plus grands prophètes, qui est Jérémie, il dira « Tu t'appelleras plus Jacob, tu ne seras plus... » Jacob, ça veut dire croche-pied, au fond. C'est celui qui fait des croche-pieds. Ah oui. Ben oui, il a fait des tas de croche-pieds à son frère, puisque... Ah ça, il a fait des croche-pieds, alors allez-y. Donc. Il a fait le croche-pied, à savoir que le frère aîné, qui était préféré du père, lui-même préféré de la mère, et à un moment donné, le frère arrive, il va mourir de faim. Et Jacob... Il avait un certain talent culinaire, et il préparait des lentilles qui sentaient bon. Et alors il arrive. C'était un plat royal aussi, je crois. C'était peut-être un plat royal. En tout cas, quand même, son frère arrive, il dit : « Je meurs de faim. Est-ce que je pourrais partager ton repas ? » Jacob lui dit : « À condition que tu me laisses ton droit d'aînesse. » C'est quand même dégueulasse. Parce que l'envie d'être l'aîné. Il a envie d'être l'aîné parce qu'il va après, bon, l'histoire va se. Le texte biblique est une construction extrêmement astucieuse. Et il exige de son frère deux qui lui cèdent le primat, en quelque sorte, le droit d'aînesse. Et voilà. Et... Donc ça ne va pas jusqu'au fratricide ? Ah, mais c'était, c'était en question, puisque la mère lui dit « Sauve-toi, ton frère va te tuer ». Et par la suite, il y a l'idée, il y a tout un fantasme de meurtre. Isaü arrive avec 400 hommes pour rencontrer Jacob. On sait bien ce qu'il lui réservait. Et là, il y a une scène extraordinaire, qui est la scène de Yabok, où Jacob lutte avec on ne sait pas quoi. Moi, je dis, il lutte avec son double. Oui. Et il arrive à faire la paix, au fond, à se débarrasser de cette histoire. Et à ce moment-là, une certaine paix, une certaine entente peut se faire entre... Mais pas entre ses fils, ensuite. Alors, on continue. Jacob a eu de nombreux fils. Il a eu 12. 12 filles et une fille, d'ailleurs. Oui, qui a d'ailleurs été violée. Mais on en parlera. C'est un gros sujet en soi, la fille de Jacob. Et le petit dernier, enfin, l'avant-dernier, puisqu'il y en aura un autre après lui, Joseph, dont le nom, d'ailleurs, signifie « j'en veux un de plus ». C'est ça que ça veut dire. Hein. Rachel a un enfant, enfin, et elle dit « ça ne me suffit pas, il m'en faut un autre ». Alors, pour dire « je veux un rajout », ça dit Yosef en hébreu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et Joseph est le chéri de son père, et il est... Son père lui fait un beau costume en soie, la fameuse kétonette passime, une chemise bariolée, enfin bon, bref, un objet exceptionnel, et les frères vont le haïr. Mais alors, une haine épouvantable. Et dangereuse, ils le mettent dans un puits, ça va ils pas bien. Ils veulent le tuer, hein. Ils veulent le tuer, carrément. Il y en a un qui le sauve en disant... On pourrait peut-être en tirer quelques pièces. Vous vous rendez compte? Ils le vendent. Ils vont le vendre. Coup de bol. Parce qu'au départ, ils voulaient le tuer. Ils l'ont battu. Ouais, ouais. Ils lui ont pris son habit. Enfin bref, c'est une scène horrible. Mais Joseph est celui qui va pardonner. On continue l'histoire. C'est ça, Joseph. Joseph va traverser la mort, si vous voulez. Et on le vend comme esclave à des nomades qui passent par là. Il était d'une beauté exceptionnelle, paraît-il, ce Joseph. Qui sait dans quelle main il est tombé? Ça peut être des pédophiles, ça peut être tout ce qu'on veut. Et les frères le vendent. J'adore votre lecture de la Bible. Et ils le vendent. Et lui va traverser toute une série de péripéties dans la Bible. Magnifique livre de Thomas Mann. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas la Bible, peuvent lire Thomas Mann. Joseph et ses frères. Et finalement, Joseph retrouve ses frères. Mais lui, il est devenu pharaon à ce moment-là, vice-pharaon. Donc il va être à la cour royale. Il les titille un petit peu. Ouais, hein. Il les retrouve, ils se reconnaissent. Alors lui, il les reconnaît. Est là avec ses habits de vice-pharaon. Eux ne le reconnaissent pas. Eux ne le reconnaissent pas. Lui, il les reconnaît. Et là, il est grand seigneur. D'abord, il les embête un peu. Il faut quand même qu'il... Hein. Mais il les ménage. Et finalement, c'est la réconciliation. Il se tombe dans les bras en pleurant. Et voilà. Et comment ça se fait que Joseph... qui aurait pu se venger, comme ses frères l'ont fait, eh bien, il pardonne. Ça, cette image de Joseph qui clôture le livre de la Genèse. Au fond, la Genèse commence par Caïn et Abel, et se termine par Joseph qui pardonne à ses frères. Donc il y a beaucoup de figures bibliques, de l'envie de fratricide, mais il y a aussi des figures réconciliatrices. J'ai une question pour Didier Houzel, dans votre expérience clinique des enfants. Il y a des enfants... réconciliateur. On dit parfois que ce sont les aînés, d'ailleurs, ceux qui essayent d'installer la paix. Pas toujours. Mais est-ce que ça n'excite pas parfois, à l'inverse de ce qui se passe entre Joseph et ses frères, encore plus de haine de la part de la fratrie? Celui qui veut la paix, celui qui essaye de tout arranger, c'est pas forcément un joli rôle dans les familles, non? Non, et souvent c'est un rôle prématuré. Pour un enfant qui est encore enfant, qui a besoin de vivre sa vie d'enfant et de pouvoir exprimer ses fantasmes, pas dans l'acte, mais dans le jeu, ou dans le dessin, ou dans l'imaginaire, et qui est obligé, par les circonstances, par des dysfonctionnements familiaux, par des conflits entre les parents, par tout un tas de circonstances, qui est obligé de prendre un rôle, au contraire, de réconciliateur, d'apaiseur, qui est un rôle d'adulte, en fait. Est-ce qu'il y a une vertu, du coup, du conflit qui se déploie, qui se joue, y compris dans sa violence, ou en tout cas son caractère spectaculaire? Est-ce qu'il faut dire aux parents, laissez le conflit, ne vous en mêlez pas, n'instituez pas un enfant comme le plus raisonnable, qui doit installer la paix, etc. Est-ce que ce sont des situations cliniques que vous rencontrez? Oui, bien sûr. Et souvent, bon, il y a une inégalité d'investissement affectif entre les enfants d'une même fratrie. Et ça, c'est extrêmement perçu par les enfants. Et souvent, ça renvoie à l'histoire de l'un ou l'autre parent et à sa propre fratrie. Donc, quelquefois, c'est confirmé par cet investissement d'un parent, la mère ou le père, qu'il y a un préféré. Et l'autre est institué en autre chose, on lui demande d'accepter. Alors, laisser les enfants, tant qu'ils se persécutent pas, tant qu'ils se blessent pas, tant qu'ils, physiquement, mais aussi psychiquement. On parle beaucoup du harcèlement actuellement. Et je pense que le harcèlement à l'école relève aussi de cette thématique du fratricide. Oui. Vous êtes d'accord, Gérard? Ah ben oui. Mais moi, je vous félicite pour cette remarque. On parle beaucoup du fratricide, du harcèlement qui s'est terminé par un suicide. Oui. Et c'est un dérivé de ce complexe de Caïn. Oui. Et d'ailleurs, si les parents interviennent, puisque je me permets d'intervenir, qu'est-ce qu'ils font à la longue? Tous les parents interviennent. Ils peuvent pas faire autrement. Ils vont transformer cette haine en amour. Ça arrive. Comment c'est ton frère, ton petit frère ou ton grand frère? On ne peut pas vraiment haïr son frère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un déplacement qui se fait. Il y a un déplacement qui va se faire sur quelque chose d'autre. Et en fin de parcours, pour faire vite, sur l'étranger. La haine de l'étranger, et ça... Ça, c'est votre grande thèse politique. On en parlera. Oui, c'est plus qu'une thèse politique, c'est une thèse vécue. Et c'est originellement, on va finir peut-être, dans les bons cas, aimer son frère, mais cette haine initiale, on la déplace sur quelqu'un, sur le voisin, sur l'autre religion. Toutes les guerres sont des guerres fratricides au départ. C'est pour ça que je tiens beaucoup à mon travail, pour essayer de jeter un peu de lumière sur cette violence qui a envahi la scène actuelle, où les gens s'entretuent en Ukraine, Israël-Palestine, et le Soudan, tout ce que vous voulez. Et ça peut exploser en France ou ailleurs. Et donc je voudrais mettre l'accent sur cela, que toutes ces haines sont à l'origine. Donc ça sert à rien de dire « sois gentil avec ton frère ». Parce que de toute façon, ça va se déplacer et ça va aller se loger et se renforcer sur quelqu'un d'autre. Ça se calme jamais, pour de vrai, Didier Houzard ? Je pense que là, il y a un rôle parental, un rôle adulte, un rôle des éducateurs, un rôle des enseignants, un rôle de la loi, tout court, d'interdire que ces rivalités fratricides soient agies. Il faut bien distinguer le monde fantasmatique où on a le droit de, on voit ça dans le théâtre, le cinéma, enfin tous les romans, etc. Très bien. Et on en a besoin. On a besoin d'exprimer. Et les enfants, ils sont pas les derniers à apprécier les horreurs, hein, dans les livres, dans les contes, dans les mangas, etc. Ils en ont besoin. Mais ça reste du domaine de l'imaginaire. Et de l'élaboration psychique. Il ne faut pas que ça passe à l'acte. Et je pense qu'il y a un excès actuellement de laisser aller, où on pense que les enfants, faut les laisser entre eux. Et puis mais ils ne sont pas plus méchants entre eux aujourd'hui qu'hier, ou bien si? Ils ne sont pas plus méchants fondamentalement. Mais peut-être qu'on intervient moins, comme si toute intervention autoritaire était coupable. Et qu'il faille davantage laisser les enfants entre eux pour qu'ils débrouillent. Mais ils peuvent pas régler leurs problèmes s'il n'y a pas cette garantie adulte d'un interdit de « bon, on peut se détester, mais on ne se tape pas dessus ». Gérard Haddad, parce que vous, votre thèse, on va quand même l'évoquer, c'est que d'intervenir ne sert pas grand-chose parce qu'on va reporter sur autrui la haine fratricide. Vous, par exemple, c'est votre thèse sur le terrorisme. Vous dites que c'est incroyable le nombre de frères qui, là, ont montré quelque chose de fusionnel, comme s'ils avaient déplacé leur problème de frère sur un étranger profondément haï. Vous notez que ce sont des frères Abdeslam, le 13 novembre 2015, les frères Kouachi, shérif et Saïd Kouachi, à Boston, les frères Tsarnaev, Youssef, à Madrid, l'attentat 2004, Mohamed et Rachid Ouled Aksha. Mais même le 11 septembre, il y avait, c'était de la famille. Et puis surtout, l'attentat qui a eu lieu épouvantable au Sri Lanka, au moment de Pâques, où il y a eu des centaines de morts chrétiens. Et c'était des frères. Ouais. Encore. Et le 11 septembre, Nawaf et Salem Al-Hamzi. Mais il faut dire quand même le mot. Mais quand même, c'est une thèse, comment vous dire, bon, d'abord la violence politique, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, donc c'est formidable votre thèse, mais bon, vous êtes obligé de vous inscrire dans Il faut qu'elle avance. Mais deuxièmement, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ou alors on peut la calmer. Déplacement. On ne peut pas amoindrir l'hostilité fraternelle. Elle se déplace. D'abord, le fratricide, il faut quand même dire, c'est pas toujours la mort. Hein. Par exemple, votre Oasis. Oui, le groupe des frères Gallagher. Au début, là, dont on a parlé. Au fond, c'est un acte qui vaut le fratricide. Hein. Il a détruit un ensemble qui marchait très bien. Ils sont entretués. Un peu comme les fils d'Œdipe. Les deux, Polynice et Théocle, se sont entretués. Oui, au passage, passionnant exemple, parce que la Antigone qui passe pour le modèle de la sororité, qui veut les enterrer correctement, c'est comme si c'était un baume, alors que les deux frères, ils sont morts parce qu'ils se sont entretués. Ils se sont entretués. Et là aussi, les vos frères Gallagher se sont entretués. Ouais. Donc, c'est pas forcément la mort, ça peut être la destruction de quelque chose d'essentiel. Et pourtant, vous disiez tout à l'heure que c'est la construction d'une civilisation aussi. C'est ça qui est complexe. C'est complexe. Dans tous les Par exemple, je prends deux enfants. Il y en a un qui adore sa guitare. Oui. Hein, il en joue, il est content. Son frère vient, il lui casse sa guitare. Et c'est déjà une certaine forme où il exprime cette haine qui peut prendre des formes variées et qui n'est pas toujours le meurtre. Dieu merci. Et donc, ça se dépasse ou non ? Comment ? Ça se dépasse ou bien ça se déplace seulement. Ça ne se dépasse pas. Ah oui, c'est pas comme le complexe d'Œdipe, alors. Non, le complexe d'Œdipe, Freud a dit, il vole en éclats. Bon, dans la fin du complexe d'Œdipe, le complexe de Caïn, c'est le travail que j'essaie de mener actuellement avec le groupe d'amis de l'Institut, l'IGH, dans lequel je travaille. Quelle est la solution du complexe de Caïn ? Il n'y en a pas. Mais il y a quand même des frères et sœurs qui s'adorent. Oui, qui s'adorent, mais qu'est-ce qu'ils font à côté ? Ils n'ont pas forcément un ennemi extérieur. Oui, ils ont toujours un ennemi extérieur. Ils deviennent anti-juifs, anti-arabes, anti-noirs, anti-je ne sais pas quoi. Mais il y a toujours moyen, un exutoire à cette haine qui est tellement enracinée profondément. Et si on la met à jour, en l'aérant en quelque sorte, je pense optimistement que ça peut l'atténuer. Qu'est-ce qui fait qu'on gère, qu'est-ce qui fait qu'il contrôle un peu cette violence meurtrière ? Oui. Il y a des mécanismes, par exemple le sport de compétition, c'est une façon. Et aujourd'hui, le sport prend une tournure incroyable. Hein. On va de championnat du monde de football en championnat du monde de rugby, en jeu olympique, comme si c'était un exutoire pour cette volonté de détruire l'autre. Mais là, on ne le détruit pas, bien encore que M. Dupont... On lui a détruit la tête, là. On lui a fracassé son crâne. Donc, il y a plusieurs moyens. La société invente des moyens pour tenir sous le boisseau un peu. Par exemple, les institutions sont une manière. Freud, quand il a créé son IPA, là, son association internationale, c'est une église. L'église, c'est le moyen de contrôler les religions. Et ça, c'est René Girard qui a pointé ça de manière remarquable. Et Freud a, évidemment, tout ça illustre, ils se sont engueulés comme de bons frères, les psychanalystes. Comme des mauvais frères. Ils se sont entretués. Il y en a qui se sont suicidés. Didier, vous avez l'impression que quand on écoute là Gérard Haddad, ça n'existe pas des frères et des sœurs qui s'entendent vraiment. Je crois que si, je serais plus optimiste. Je pense que le travail psychique, justement... permet de dépasser ces conflits très très primitifs. Si vous voulez, je suis obligé de faire un petit peu une trajectoire là depuis le départ de ce qu'on peut penser de l'expérience de l'enfant. Mm-hmm. Peut-être déjà in utero, en tout cas dès la naissance, où il est le seul l'objet principal, voire le seul dans son vécu, objet investi par la mère. Puis voilà qu'arrive un tiers qui vient lui prendre tout ou partie de la place privilégiée. Insupportable, persécuteur. Il faut absolument lutter contre ça. Mais S'il y a un travail psychique, ça consiste en quoi, ce travail psychique? Ça consiste à déplacer vers le haut, vers plus de mentalisation, vers plus d'abstraction, vers plus de pensée, vers plus de symbolisation, les enjeux de cette situation. Et plus on y arrive, plus on est en mesure de partager les bonnes choses. Mmh. On voit ça avec la culture, par exemple. Hein. On ne va pas se bagarrer pour un auteur ou une pièce. On peut ne pas être d'accord, aimer plus ou moins, mais on n'est pas dans la même rivalité. Et dans la personnalité de chacun, si ce travail peut se faire, alors on, non seulement on dépasse le conflit d'origine, mais encore on investit positivement les enfants de la maman parce que ça fait partie d'elle. Mmh. C'est en attaquant le frère ou la sœur, on abîme l'objet idéalisé. On l'endommage. On le détruit parfois. Oui. Donc il faut le réparer. Alors cette notion de réparation, elle est très kleinienne. Donc Mélanie elle Klein, est... qui, je suis obligée de préciser pour nos auditeurs, oui. Une psychanalyste importante hongroise qui a été ensuite en Angleterre. Nous avons fait une série entière sur elle au printemps. Vous étiez oui. d'ailleurs invitée et vous êtes très marquée par la théorisation absolument. De Mélanie Klein. Oui. Donc, il y a ce rapport au sein maternel, dit-elle, qui peut être aussi symbolique, oui. Et souvent produit des pulsions véritablement destructrices, tant il y a un besoin de ce sein, et en même temps, le bébé apprend doucement à en prendre soin, parce que quand même il en a besoin, et à réparer peut-être ce qu'il a envie de détruire, c'est tout ça ? Tout à fait, à réparer dans son monde interne, dans son monde psychique, ce qu'il a l'impression, pression ou la peur d'avoir endommagé ou détruit par ces pulsions agressives, voire sadiques, disait Ben. Et donc le concept Mélanie de réparation, vous pensez qu'il existe aussi entre frères et sœurs? On répare oui. ces enfants qui sont, mine de rien, ceux avec oui. qui je vis et que je n'ai pas envie de détruire complètement. Vous le pensez, que le, oui. le désert fratricide est corrigé. Mélanie Klein fait introduire là le père. C'est-à-dire que l'identification au père est nécessaire pour pouvoir faire ce travail de réparation. Parce que c'est le père qui va, dans son modèle, redonner à la mère sa fécondité, sa complétude et la réparer. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Au sein de notre série sur fraternité, sororité, cette semaine, nous sommes dans un épisode un peu singulier, puisque nous osons affronter l'idée d'une véritable pulsion ou un désir inconscient de fratricide et de sororicide au sein de la famille. C'est la thèse de Gérard Haddad qui s'étonne que Freud n'ait pas mis au même niveau que le complexe d'Édipe, un complexe de Caïn qui avait tué son frère. Alors justement, reparlons de Freud. Je suis en compagnie de Didier Houzel et donc de Gérard Haddad. Freud, quand même, d'une part, a reconnu son propre désir de tuer son petit frère. C'est pourquoi il s'est senti si coupable quand celui-ci est effectivement mort. Enfin, mort d'autre chose que d'ailleurs. De maladie, oui. Mais il y a aussi une lettre à Thomas Mann de 1936 où il évoque le cas de Joseph dont nous avons parlé, figure biblique et figure qui intéresse assez éminemment Thomas Mann, puisque celui-ci avait publié un roman intitulé « Joseph et ses frères ». On écoute la lettre de Freud à Thomas Mann de 1936. Je me demande s'il n'existe pas dans l'histoire un homme pour qui la vie de Joseph a pu être un modèle mythique, de sorte que nous puissions deviner le fantasme de Joseph comme étant le moteur démoniaque et secret. Je pense que Napoléon Ier est cet homme. Il était corse, deuxième fils d'une famille nombreuse. Son frère aîné s'appelait Joseph. Le frère aîné est le rival naturel. Le cadet éprouve à son égard une hostilité élémentaire dont on ne peut toucher le fond et à laquelle, dans les années à venir, les termes de désir de mort et d'intention meurtrière pourront convenir. Éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph, ont dû être chez Napoléon, enfant, le sentiment moteur le plus fort. ces motions infantiles excessives tendent à se retourner en leur contraire. Le rival haï devient un être aimé. Il en fut ainsi pour Napoléon. Nous en inférons qu'il a tout d'abord violemment détesté Joseph, mais nous apprenons que, plus tard, il l'a aimé plus qu'aucun être au monde. La haine primitive avait donc été surcompensée, mais l'ancienne agressivité, jadis libérée, n'attendait que d'être déplacée sur d'autres objets. Des centaines de milliers d'individus indifférents expieront le fait que le petit homme féroce a épargné son premier ennemi. Analyse sauvage, si j'ose dire, de Freud à l'égard de Napoléon, qui aurait un moment réparé, je reprends vos mots, Didier Houzel, une haine primitive très grande à l'égard de son aîné, qui s'appelait Joseph, et c'est d'ailleurs intéressant, puisque Joseph est un personnage biblique qui lui-même a essayé de réconcilier la fratrie. Mmh. Moi, vous parlez d'une réconciliation, vous ? Ça a occasionné des centaines de milliers de morts. J'adore votre rapport à la destructivité. Mais c'est Freud qui le dit, c'est pas moi. Oui. S'il avait tué son frère, il avait poussé dans l'escalier, ça aurait épargné à l'Europe des centaines de milliers de morts. Et les guerres napoléoniennes sont le modèle des guerres modernes à venir. Donc il l'a déplacé. Mais ça allait mieux, je crois, que son frère aîné. Mais par contre, il a tué un monde fou. C'est ça que vous dites. C'est pas la même chose. Le déplacement et la réparation, c'est deux domaines très, très différents. Mais vous dites qu'il y a les deux, alors que Gérard Haddad dit qu'il n'y a que du déplacement. Si j'ai bien compris ce que vous me dites. Moi, je dis effectivement qu'il peut y avoir de la réparation. Oui. Et j'interprète même le fantasme ou le mythe que toute civilisation est fondée sur un fratricide, le fait que la civilisation elle-même répare le fratricide. Eh oui. C'est ça le. Vous êtes d'accord, là, Gérard ? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Donc c'est pas les individus qui les réparent, jamais. Ils déplacent, mais la violence ailleurs et celui qui. Il y a un ami, là, Gabriel Véré, dans l'association dont je fais partie, qui a inventé une jolie expression. Il a dit la solution serait la substitution de l'émulation à la rivalité. Mmh. On peut arriver, deux frères ou trois peuvent entrer dans une situation d'émulation. Et là, c'est pour le bien de chacun des membres. Et voilà une des solutions de ce complexe de cas. Oui. Je voudrais vous citer une phrase que je trouve très belle d'Anna Segal, qui était des très très proches élèves de Melanie Klein, qui a dit: quand une analyse est réussie, le fantasme que dans la scène primitive, c'est-à-dire dans la relation entre les parents, la relation intime entre les parents, il y a la place pour un nouveau berceau, pour un nouveau bébé. Et ça, je trouve ça très beau, et c'est ça la réparation. C'est-à-dire d'arriver à tellement vouloir et désirer et pouvoir, mais à un niveau déplacé dans le monde intérieur, si vous voulez, que les parents soient réparés jusqu'à pouvoir faire à nouveau des bébés. Alors, justement, ça va nous faire constituer un lien avec une psychanalyste dont vous nous avez signalé le travail, qui était elle-même très marquée par Melanie Klein. Elle s'appelait Frances Tustin. Et nous avez-vous expliqué, en préparant cette émission, Didier Houzel, Frances Tustin avait développé un véritable concept qui était que chaque enfant imagine, fantasme, un nid au bébé qui serait constitué au fond par quelque chose comme le sein maternel ou tout ce qui les nourrit. Et ils crèvent de peur d'avoir des bébés concurrents qui mangeraient à leur place. Alors, on va lire un extrait de Tustin et vous nous commenterez cela après. On écoute. Pendant cette phase où l'enfant commence à pouvoir supporter de savoir qu'il est nettement distinct des autres, se développe toujours un fantasme que j'ai nommé le fantasme du nid au bébé. Celui-ci est associé à l'idée qu'il y a des bébés spéciaux qui reçoivent une nourriture spéciale. Les enfants de mon cerveau, les enfants situés dans mon esprit et que, semble-t-il, je nourris lorsque je suis préoccupé ou que je me détourne du patient, sont souvent ressentis comme étant des destinataires de cette nourriture spéciale. Dans ce fantasme, le patient, l'enfant qui reçoit mon lait thérapeutique, est en compétition avec des rivaux prédateurs qui se trouvent de l'autre côté du sein et qui veulent lui arracher le mamelon pour lui enlever sa source de vie et de nourriture. Cet extrait de Frances Tustin, extrait de son livre de 1977, Autisme et psychose de l'enfant, a été lu par Carla Michel de l'équipe d'Avec Philosophie. Didier Houzel, ça se répare, ça, l'angoisse chez un individu, un enfant qui ne devient pas autiste, un enfant qui se développe normalement, il cesse d'avoir cette trouille absolue. C'est ça, quand même, le nid au bébé, que oui. On vienne, qu'un autre enfant vienne manger sa nourriture. Oui, oui. On peut espérer que ça se répare. C'est très difficile de traiter ces enfants-là, mais l'espoir, effectivement, c'est qu'on arrive à aider l'enfant à déplacer ce qu'il revit d'une manière persécutrice dans la réalité, au point que ces enfants annulent complètement l'autre. Au départ, la première phase, elle fait allusion à une deuxième phase, là, mais la première phase, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité. Oui. À partir du moment où l'altérité émerge, où l'enfant reconnaît qu'il est distinct de l'autre et que l'autre existe, c'est un persécuteur. Parce qu'il vient lui prendre cette nourriture privilégiée, ça fait penser à l'ambroisie, la nourriture des dieux, qui sont... dans une situation tout à fait privilégiée par rapport aux pauvres humains qui sont obligés de trimer. Et de... Un exemple intéressant de ce fantasme du nid au bébé, je crois que Tustin y faisait allusion, c'est le film d'Hitchcock, Les oiseaux. Oui. On voit toutes ces attaques de becs oui. terrifiants et persécuteurs autour du contenant parental, disons, hein, la maison, et les habitants de la maison qui ont un mal fou à se protéger de ces persécuteurs. Si ça peut petit à petit se déplacer dans un travail d'élaboration, alors l'autre devient non seulement tolérable, oui. mais intéressant. Alors la question que j'aimerais maintenant vous poser à tous les deux, c'est... Est-ce que c'est la même chose, la rivalité avec même tout ce que vous dites de destructeur, hein, d'un cadet vers un aîné que d'un aîné vers un cadet? La Bible, vous nous le dites très très bien dans tous vos travaux, Gérard Haddad, montre tous les cas. Caïn tue son frère cadet, Jacob voudrait être l'aîné à la place de l'aîné. On pourrait parler aussi de Salomon, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on en parle, mais plus tard. Mais si on prend d'autres références, chez Shakespeare, c'est presque tout le temps des cadets qui, je parle de Richard III et du père de Hamlet, dans les deux cas, il s'agit un roi est mis à mort par un cadet pour que le cadet prenne sa place. Richard III, il laisse mourir l'un des cadets et puis il tue le deuxième pour pouvoir, l'un des aînés, tous ses aînés, et pour atteindre lui-même le pouvoir. Et dans Hamlet, c'est un cadet du roi qui tue le roi père d'Hamlet. Est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'il y a des différences quand c'est de cadet à aîné ou de aîné à cadet? Écoutez, l'heure tourne. Si vous permettez, je voudrais faire un petit écart, si vous permettez. Parce que vous avez parlé beaucoup de solutions. C'est quand même un des problèmes numéro un. Quelle est la solution? J'aurais voulu qu'on parle un peu de ce qu'on appelle la mixité. Je pense que les sociétés mixtes permettent de contrôler cette violence initiale. Et en particulier, le rôle des femmes. Je pense que dans le cas des femmes, c'est différent. Et elles jouent un rôle positif. Je pense à Antigone. Antigone, dans le dialogue qu'elle a avec Créon, elle lui dit « Pourquoi j'ai fait cet acte hors la loi ? Parce que c'est mon frère. » Il y a chez cette femme, Antigone, elle annonce l'amour du frère. Et grâce à cet amour, il y a quelque chose de réparateur. Elle dit « Si ça avait été mon mari, eh ben tant pis, j'en aurais pris un autre. » Si ça avait été mon fils, tant pis, j'en aurais fait un autre. Mais un frère, ça ne peut pas se remplacer. Cet amour à Delphique, si vous voulez, de Lacan en a beaucoup parlé dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse. J'aurais voulu dire un petit mot quand même là-dessus. Le rôle. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance, les femmes veulent vivre toutes de leur côté, hein. Elles font des cercles de lecture entre elles. Les hommes, dans les pubs, ils veulent être tout seuls. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est la mixité. C'est que les hommes et les femmes, si je puis dire, se fécondent mutuellement. Les femmes ont aussi leurs problèmes avec leurs sœurs et avec leurs frères. Oui, mais quand elles sont avec les frères, elles sont... les femmes aussi. Combien de fois sont les sœurs qui mettent du lien dans la famille et qui permettent aux frères de se supporter? C'est l'exemple familial, si je puis me permettre. Donc, je n'ai pas répondu à votre question parce que j'avais envie de dire... Mais ce n'est pas grave. Cela dit, c'est vous qui m'avez appris que le fils de David, Amnon, a violé sa sœur Tamar. Ça ne va pas tellement mieux entre les frères et les sœurs dans la Bible. Non seulement il l'a violé. Il la chasse de son lit, elle sera défendue par Absalom qui va tuer Amnon. Donc écoutez, les femmes, c'est pareil que les hommes, enfin les fratries. Non, attendez, qu'est-ce qu'elle a fait Tamar de mal? Elle avait son frère malade, elle a été le soigner. Un frère, ça se soigne pour une sœur. Et ce salaud de Amnon, non seulement il la viole, alors qu'elle lui dit « je suis ta sœur », mais en plus, après avoir commis l'acte, il la jette, il la bafoue. Ouais. Donc les sœurs, c'est mieux que les frères dans l'agressivité, c'est moins grand. Pense, vous êtes sûr de ça? Je pense, et je pense qu'on y pense de plus en plus, et ça a des répercussions politiques. De plus en plus, on pense que des femmes dirigeantes politiques sont meilleures que des hommes dirigeants politiques. Vous êtes sûr de ça, Didier Ouzel, par exemple? Vous prenez comment cette thèse massive-là, et où il y aurait quand même pas mal de contre-exemples? Je ne sais pas, j'attends de voir. Et les cadets et les aînés, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez avoir le dernier mot. Alors, je pense que c'est une question d'enjeu. Vous avez cité des exemples dans la Bible, mais où l'enjeu, c'est la royauté. Ou dans Shakespeare, c'est la royauté. C'est ça que je crois qui est vraiment le problème. C'est quel est l'enjeu de cette rivalité fraternelle? Est-ce que c'est l'objet idéalisé? Ou est-ce que c'est partager tranquillement une situation avec papa, maman et les frères et sœurs? Je pense que c'est plus souvent quand même le cadet qui a des fantasmes fratricides, mais ça peut être l'inverse, en fonction de l'enjeu. Juste un mot pour terminer sur une espèce de renversement qu'à mon avis a opéré Frances Tustin, justement, entre la constellation édipienne, qui reste absolument essentielle dans notre travail d'analyste, et puis ce complexe de Caïn, pour reprendre l'expression que j'aime beaucoup de Gérard Haddad. Qui n'est pas de moi, d'ailleurs. Non, mais... Bon, allez-y, s'il faut qu'on termine. Je voulais juste finir, là. C'est la question de la constitution de l'identité et de l'acceptation de l'altérité qui est au fond de ce problème et dont on sait que ô combien il nous met en difficulté tous. The road is long. Et nous avons choisi de terminer cette émission sur les désirs inconscients de fratricide et sororicide par une grande chanson sur l'amour du frère. C'était The Hollies, groupe britannique originaire de Manchester, qui en 1969 chantait « He ain't heavy, he's my brother ». belle chanson qui vous fait sourire, ça m'intéresse aussi. Gérard Haddad, merci à vous d'être venu nous parler merci de votre complexe de Caïn. Merci Didier Touzel de nous avoir parlé des fratries. Didier Houzel, excusez-moi. Les références de vos travaux sont sur notre site. Il est temps de retrouver Frédéric Worms qui, cette semaine, vous le savez, évoque la question du négatif. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi ne peut-on pas tout nier ? Pour penser le négatif, il semble logique, c'est le cas de le dire, de partir d'un des pouvoirs fondamentaux des êtres humains, en tout cas, et qui semble pour certains justement réservé aux êtres humains, c'est le pouvoir de nier, le pouvoir de contredire, le pouvoir de distinguer, le pouvoir de la négation qui semble être au fondement de la pensée en général, le pouvoir de dire « ceci n'est pas cela », un pouvoir qui semble supposer aussi une capacité à s'arracher au réel, car dans le réel, nous ne sommes que devant des choses qui sont ce qu'elles sont et il n'y a rien d'autre à en dire. Et dès que nous disons, dès que nous distinguons, nous disons par exemple « ce livre n'est pas une chaise », cette fleur n'est pas un géranium, eh bien, dès que nous le disons, nous sortons du réel, nous manifestons un pouvoir qui, de René Descartes, avec la liberté comme pouvoir d'affirmer et de nier, jusqu'à Jean-Paul Sartre et à bien d'autres, en passant par Hegel et sa dialectique, eh bien, ce pouvoir de nier est défini au cœur de l'esprit humain, comme la définition même de la liberté pour le meilleur et pour le pire, cet esprit qui, comme le disait le grand poète et philosophe allemand, Goethe, l'esprit qui toujours nie. Et c'est sa définition même. La pensée consiste à nier. C'est le fondement même de la pensée. Distinguer, c'est nier. Et cela a toujours été au cœur de la logique et de la pensée humaine, au point de mener aussi, non seulement à la revendication d'une négation généralisable, généralisée d'un pouvoir absolu de l'esprit, mais aussi aux abîmes du scepticisme. Je peux tout nier, je peux tout révoquer en doute, et peut-être aussi en soupçon. Je peux toujours tout critiquer, je peux dire ceci n'a pas eu lieu, je peux dire deux et deux ne font pas quatre, je peux tout nier dans l'esprit par la logique et peut-être c'est ainsi aussi que la science avance. Le scepticisme avec sa radicalité assume même le fait que la contradiction qu'on lui impute parfois n'est pas tenable. Par exemple, on dit aux sceptiques, vous pouvez tout nier sauf votre thèse que l'on peut tout nier. Il y a au moins dans toute parole une affirmation cachée, une affirmation minimale, un principe logique qui, lui, est indéniable. Mais le sceptique aura beau jeu de dire non, non. Même le fait que je nie tout peut être contesté, la preuve vous le contestez, et la vérité va être alors dans le fait de se taire. Mais est-il vrai que l'on puisse tout nier, que l'on puisse tout dénier, et je ne dis pas tout renier aussi, parce que c'est encore quelque chose de plus négatif et de plus fondamental. Peut-être que l'expérience même que l'on ne peut pas nier, c'est justement l'expérience qui vient heurter nos vies de manière absolue. Peut-on nier la réalité de la vie alors même qu'elle est attestée par la disparition possible dans la mort ? Peut-on nier, par exemple, plus que, comme dans les méditations métaphysiques de Descartes, peut-on, qui dit que l'on peut douter de tout, peut-on nier, par exemple, que l'on a faim ou soif quand on est tenaillé par la faim ou par la soif ? Il y a des besoins, des souffrances que l'on ne peut pas nier, même si les plaisirs nous semblent toujours susceptibles de doute. En réalité, peut-être le paradoxe veut-il que la seule chose que l'on ne puisse pas nier, que l'on ne puisse pas soumettre à la négation, c'est l'expérience absolue, parfois terrible, du négatif. Nos émissions peuvent être retrouvées en podcast sur le site ou avec l'application de Radio France. Cette émission d'aujourd'hui a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Noé Chaban. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!